Bonsoir, bonsoir Cricri. Bonsoir. Bien Bonsoir connecté, Alice. parfait. Tu as tes écouteurs. Tout à Génial. Bon, bah, bienvenue dans ce 23e live de Beauté Imaginée. Je vais commencer par l'introduction. Donc, chers auditeurs, bonsoir. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté. Et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Et ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et avec le bien-être, et à sa façon finalement d'imaginer la beauté. Et vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est la force de l'audio. Alors du coup, ce soir, on a choisi un nouveau thème ensemble, Cricri, c'est la beauté et la façon de lutter contre les rides. Oui, c'est ça, C'est c'est tout bien à fait ça. ça. Oui. Du coup, on va essayer de donner quelques astuces peut-être à nos auditeurs pour lutter contre les rides ou du moins pour réduire les signes du vieillissement cutané. Et toi, tu vas nous donner un peu ton expérience à ce sujet. Merci beaucoup d'être là pour en parler. N'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Tu nous diras ça tout à l'heure, si c'était un plaisir. J'espère, j'espère. En tout cas, bah, c'est sympa de... d'échanger sur un sujet comme ça qui préoccupe beaucoup de personnes, je pense. Toi, tu écoutes souvent l'émission et cette fois-ci, tu passes de l'autre côté. Donc là, c'est les auditeurs qui vont deviner des infos à ton sujet tout à l'heure. Je te propose de faire d'abord un récap sur le fonctionnement de la peau, sa façon d'évoluer, avant de passer à ton expérience à toi. D'accord. Ça te va? Oui, Parfait. On très va bien. d'abord écouter Astrée. Astrée, donc c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire, Astrée. Trop contente de voir ce live, j'avais trop hâte. Merci, Astrée. Bon, peut-être que tu seras un peu occupée en cette soirée d'anniversaire, mais merci pour ce coucou. Alors, petit récap sur la peau. En fait, la peau a cinq fonctions. La régulation de la température d'abord. En fait, grâce à la sudation, elle va permettre que l'intérieur du corps reste à 37 degrés. Il y a aussi la fonction de protection du corps, hein. Elle permet de lutter contre les rayonnements UV, par exemple. Ça, on en avait parlé dans le live sur les solaires avec Steven. On a aussi, la peau va servir à préserver les organes lorsqu'il y a un choc, par exemple. Elle lutte contre la pollution, contre l'invasion de micro-organismes pathogènes. Ça, j'avais fait un live sur le microbiote cutané, avec Marion à ce sujet. Elle a pour troisième fonction, pardon, une fonction immunitaire, puisque le but, c'est qu'elle crée une mémoire contre les micro-organismes pour s'en défendre mieux par la suite. Elle va, quatrième fonction, synthétiser des hormones dont le corps bénéficie, vitamine D par exemple du soleil. Et enfin, elle a une fonction psychosociale, puisque c'est elle qui est directement visible par notre entourage et elle révèle d'ailleurs quelque part l'état de santé interne d'une personne. Je vois qu'on a eu des commentaires, alors je fais une petite pause audio des auditeurs. Bonsoir à tous, Claire. Bon anniversaire, Astrée. Merci Claire, salut, bonsoir Léa Carbo. Bonsoir à tous. Léa Carbo a un peu changé de voix ce soir, mais salut Charo. Joyeux anniversaire, Astrée. Ah, merci Charo de ta participation aussi. Alors du coup, voilà pour ce qui est des cinq fonctions. Tu en avais conscience, toi, Cricri? Oui, je enfin oui, je ne suis pas étonnée de ces cinq fonctions. Je les aurais peut-être pas toutes citées, mais oui, Oui, je trouve c'est en général. ce récapitulatif. J'en profite pour souhaiter aussi un bon anniversaire à Astrée, bien sûr. Évidemment, et Astrée répond d'ailleurs. Merci beaucoup. Avec, on entend derrière pas mal de bruit, a priori, Astrée est sortie pour cette occasion. Moi, oui, ce qui m'a peut-être le plus surpris, la plus, pardon, oui, le plus surpris, c'est la fonction psychosociale. Ça, je connaissais pas ce terme-là pour parler de la peau. Et donc, en tout cas, toutes ces fonctions sont permises par une structure particulière, par un équilibre de cellules. Et avec le temps, ces fonctions de la peau peuvent être diminuées pour plusieurs raisons en interne, souvent programmées génétiquement. Donc voilà quelques évolutions que subit notre peau avec le temps. Il y a le renouvellement cellulaire déjà qui est ralenti. Je sais pas si tu sais le temps qu'il faut à une cellule pour se régénérer chez un adulte, disons à la vingtaine, on va dire, un jeune adulte. Alors, non, j'en ai aucune idée. Non. C'est 28 jours en moyenne. Et figure-toi D'accord. qu'après, disons, 60 ans, ce temps peut quasiment doubler. Ça, c'est Ah, assez d'accord. frappant pour Ah, illustrer le changement, disons. On a également la sécrétion de certaines hormones utiles qui va baisser avec le temps. Et ça a des impacts sur la constitution de la peau énormément. Le nombre de mélanocytes, lui, va diminuer. Les mélanocytes, tu sais, c'est ces cellules qui permettent de sécréter de la mélanine. Et la mélanine étant ce qui constitue notre couleur de peau, en fait. oui. Et comme les mélanocytes sont moins nombreuses, on peut avoir des petites irrégularités de pigmentation. Les fameuses taches pigmentaires, est-ce que tu y es sujette, toi, peut-être? Ou pas spécialement? Un peu quand je m'expose trop au soleil, mais bon, c'est, D'accord. j'y suis pas trop sujette quand même, non. Et tu veux dire que c'est assez temporaire dans ces cas-là ou Non, c'est irréversible? ça peut rester, ouais. Oui, ça peut D'accord. rester et je le prends en compte d'ailleurs quand je me protège contre le soleil sur certaines zones, parce que je me suis rendu compte que ça Ah. arrivait plus, par exemple, dans le décolleté, Ah oui, je notamment vois. sur les mains également. Oui. Donc, ouais. Ah oui, Ouais. d'accord. C'est vrai que les mains étant exposées vraiment toute l'année, enfin, on ne pense pas forcément à protéger ses mains, alors elles sont sensibles, la Ouais, peau des mains est sensible aussi. Ah, on a Juliette aussi qui nous fait un petit coucou. Salut Juliette! bonjour à tous et joyeux anniversaire à Astrée. J'ai pu finalement me libérer pour ce live parce que le thème m'intéresse particulièrement. Je suis très concernée. Juliette, alors raconte-nous comment tu préviens tes rides, toi. Est-ce que tu as un secret, toi qui aimes bien partager tes secrets de beauté? Et du coup, pour revenir à ces changements, parallèlement, toutes ces évolutions de la peau ont tendance en fait à modifier son aspect visuel. C'est pour ça qu'on s'intéresse tant à ce thème. En esthétique, on s'intéresse beaucoup à cette apparence de la peau, évidemment. Et s'il est bien sûr normal que la peau évolue comme ça au fil des années, en beauté, on cherche tout de même à limiter les signes visibles de cette évolution, les signes du vieillissement cutané, comme on peut lire sur certaines étiquettes de produits de beauté. Donc c'est parti pour en parler. On a d'abord deux interventions. Ivrogne Alco, salut. Bonjour, j'ai pas de rides, mais comment je pourrais faire pour lutter contre les rides? Ah bah tu peux prévenir l'apparition de ces rides. Et ça peut être intéressant parce que le plus efficace, c'est si on intervient en avance, en sachant ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire. Et Juliette? Alors mon secret anti-rides, bah chaque matin je mets de l'eau sur le visage, voilà. Non, je rigole, Waouh. j'ai une crème anti-rides, enfin j'avais, il faut que je la rachète. Ah, d'accord, Juliette. Tu fais partie donc des personnes qui utilisent un anti-âge chaque jour. Ce sera une des questions du quiz. Petit spoil, Ivrogne Alco. Oui, j'allais dire oui, je suis un peu perdu. Oui, voilà. Oui, donc l'antiride, la nutrition rentre en jeu. C'est ça, on peut le dire ainsi. La nutrition rentre en jeu. Tout à fait, c'est dans les conseils qu'on peut donner, c'est le fait de faire attention d'avoir une hygiène de vie globalement saine. On va en reparler juste après. Ivrogne Alco a encore Bonne un nutrition. commentaire. Qu'est-ce qu'il y a avec le sport? Bon, on t'entend pas très bien. Alors du coup, Cri-Cri, c'est parti pour en parler. Merci à tous les auditeurs présents ce soir. On a Juliette, Claire, Florence, Charo et Sylla. Anne, Labu, Astrée, Fan Mystère, Esther, Léa Carbo, Sophie, Andrea, Jeanne et Ivrogne Alco. Merci à tous d'avoir accepté ce rendez-vous pour parler de beauté et de rides. Cricri, tu es prête à parler de toi? Oui, tout à fait. C'est Je suis parti et prête. après, nos auditeurs auront à deviner du coup les quelques caractéristiques qu'on souhaite leur faire imaginer. Cri-cri, à partir de quel âge as-tu commencé à t'intéresser Au vieillissement de la peau. Je dirais que c'est bon à partir de temps, surtout autour de 30 ans, parce que il se trouve que j'ai vécu en Russie à ce moment-là et j'avais une D'accord. apicienne qui a ouvert une sorte de Alors, cabinet ça pour. coupe un petit peu, excuse-moi, je ne sais pas si c'est que moi. Pardon, ça a haché par moment. Ah, Tu es dans l'endroit où il y a assez de Wi-Fi. normalement, oui, j'ai un casque. D'accord. Je peux. Là, Ouais. ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Là, vous Oui. m'entendez, tu m'entends? Bon. Là, moi, je t'entends, oui. D'accord. Oui, alors je disais que j'ai vécu en Russie et il se trouve que j'avais une amie esthéticienne qui voulait donc ouvrir sa clientèle aux Russes. Et comme elle ne parlait pas D'accord. russe, je lui faisais l'accueil de son institut. Bon, c'était Ah. quelque chose d'assez, enfin, c'était assez ponctuel. Mais du coup, j'ai appris les produits. Et c'est elle qui m'a sensibilisée au fait que il fallait mettre de la crème dès 30 ans tous les jours, à la fois sur le visage et sur le cou. Donc depuis, ça m'a Ah. marqué et je mets de la crème à la fois sur le visage et le cou, matin et soir, je dirais. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, à négliger le cou, voire le décolleté. Toi, tu as du coup, à ce moment-là, sans jeu de mots, pris cette habitude-là. C'est ça, oui, tout à fait. Ça date Et tu vraiment as de pris. cette époque. D'accord. Et ça a été, ouais, une rencontre finalement qui a été un peu la révélation pour toi par rapport à l'entretien de ta peau, quoi. Oui, voilà, ça m'a confirmé l'importance de prendre soin de sa peau. Elle était plus âgée que moi et donc elle savait de quoi elle parlait. Là, je vois. D'accord. Et donc, tu as dit, tu as pris notamment comme habitude pour ton visage d'utiliser de la crème régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres habitudes à ce moment-là quand tu as commencé à prendre conscience du fait que la peau enfin, évolue, voire vieillit? Oui. Alors oui, ce sont des habitudes qui se sont un peu renforcées avec le temps, mais enfin, je me nettoie le visage hein, systématiquement matin et soir avec du savon et puis de l'eau démaquillante ou de l'eau du robinet. Hein, j'ai jamais trop utilisé lotion et lait parce que je trouve ça trop compliqué, c'est D'accord. trop long pour moi. Ensuite, D'accord. je mets une crème de jour ou de nuit et je me masse le visage avec. Alors, surtout depuis Ah. quelques années, mais j'essaie de faire remonter, voilà, de me masser le visage en remontant surtout. Oui. Et je mets du sérum quand j'y pense. Alors ça, bon, voilà. Et puis la crème, c'est une crème hydratante. Et maintenant, depuis quelque temps, anti-rides également ou raffermissante. Et de temps en D'accord. temps, j'ai un masque, peut-être tous les 2 mois à peu près. Alors, je sais que c'est pas assez. Idéalement, il faudrait que j'en fasse plus souvent. Oui. Ah oui, excuse-moi de Voilà. te couper, ça hache, je ne sais pas si nos auditeurs peuvent Ah. nous confirmer si ça hache que pour moi ou pas. Tu sais si Je vais tu changer. as. Oui, peut-être Ouais. change de pièce, pourquoi Oui, pas, et parce que là, c'est un changer. problème de réseau. Est-ce D'accord. que tu es en Wi-Fi ou sinon tu peux peut-être passer en 4G en désactivant, tu sais, la Wi-Fi en haut Ouais, du téléphone. je Pendant vais ce temps, je essayer de vais faire jouer ça. nos D'accord. auditeurs qui commencent. Claire? Ça hache un petit peu. Mince. Oui, donc ça doit être le réseau. Anne Cox. Salut Anne Cox. Oui, ça hache, c'est vrai. Je pense reconnaître cette voix. Juliette? Oui, ça hache aussi pour moi. Faut peut-être qu'elle enlève son casque, peut-être, pour tester. Ah, tu penses? Je propose d'abord d'essayer la Wi-Fi. Ça y est, je viens de retirer la Wi-Fi. Est-ce que vous m'entendez mieux? Alors là, pour l'instant, t'entends bien. On va voir si Bon. les petits mots qui sautent continuent. Il y a juste Anne aussi qui Oui, attend c'est vrai, bien. Voilà. ça hache même beaucoup. Ça marche. D'accord, bon. Alors, j'essaye comme ça, une On autre pièce t'entend et la vraiment Wi-Fi. beaucoup, beaucoup mieux, Christine. Ah, bah tant mieux. Ah! Bon, Merci. bah parfait. Merci Anne. Et alors, pour qu'on se situe un peu sur enfin, pour qu'on te situe, pardon, sur ton rapport aux produits cosmétiques, à quel point c'est important pour toi, sur une échelle de 1 à 10, tout ce qui est produits de beauté, tu dirais? Oh, je dirais quand même 8. D'accord. 8 sur 10, oui. Ok. C'est ça. Ça l'était peut-être un peu moins il y a une dizaine d'années. Bon, c'était peut-être. Mais là, actuellement, je mettrais 8, oui. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as pris au fil des années des habitudes pour le corps? On a parlé du visage, mais le corps peut évoluer aussi, la peau du corps, ou là, pas spécialement? Oui, alors pas suffisamment certainement. Enfin, je suis pas assez régulière de ce point de vue-là, mais j'utilise une crème qui s'appelle Corès, de la marque Corès, qui est grecque, D'accord. avec des ingrédients naturels et qui, je trouve, est très très efficace, quoi. Elle pénètre bien, elle est vraiment, elle sent bon. Il y a différents. Et je pense que c'est très important de se crémer, je le dis aussi à des gens plus jeunes que moi, si on a le courage de le D'accord. faire. Voilà. Et la protection solaire, ça, je l'ai fait à partir de 25 ans, certes, je pense. Surtout le visage et le D'accord. décolleté, parce que le décolleté, la peau est très fine et il y a vraiment un gros risque de taches, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà. Et puis, pour le corps, pour moi, j'allais dire le plus important, c'est de bouger beaucoup. J'ai toujours fait du sport et je m'entretiens. Et Oui. le plus dur pour moi en termes de vieillissement serait de ne plus pouvoir faire ce que je faisais avant. Ça sera très dur Oui. quand ça arrivera. Ouais. Donc Bah, voilà, c'est niveau, surtout ça. ouais, je comprends. Niveau bien-être, au-delà du visuel, finalement, dont on parle principalement ce soir, c'est avant tout le fait de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime, quoi, qui compte Tout avec à le fait. temps. Ouais. Et tu as dit que tu as C'est ça. commencé à protéger ta peau du soleil vers 25 ans. Avant, Oui, à peu tu près. avais moins Ah, connaissance des je méfaits? pense qu'à 20 ans, je le faisais pas du tout. Mon but, c'était de Ah bronzer ouais. le plus possible. Donc, je revenais noire Ah à chaque fois de vacances. Et oui. j'ai vraiment fait ça. J'en ai pris conscience ouais, autour de, je dirais, peut-être 23, 24 ans, disons. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et puis peut-être que sans vouloir donner d'indices sur ton âge, on parlait peut-être moins des méfaits du soleil. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Ouais, ça c'est une bonne chose Et qu'on. oui, qu'on nous sensibilise un Ouais, maximum, bien sûr. À la fois c'est pour en les rides effet un des grands points. et Oui. bien sûr aussi, enfin ne pas s'exposer. C'est vrai que je ne m'expose pas entre midi et 4 heures non plus, hein. Ça c'est Ah oui. une habitude que j'ai prise, hein, bien sûr. Et malgré ça, tu arrives à obtenir un bronzage qui te satisfait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours de l'indice 50 sur le visage, mais ça ne m'empêche pas de bronzer, hein. Mais j'en ai en Ah oui. permanence dès que je m'expose. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. On a Astrée qui intervient. Là, c'est super ce live, on apprend plein de choses. Bah, j'espère Bah, bien, Astrée. merci, J'espère bien. merci. Avec Astrée, on ne sait jamais quelle est la part d'ironie. Est-ce que Cricri, tu peux nous dire ton budget cosmétique aujourd'hui, mensuel, en moyenne? Oui, alors c'est vrai que le budget cosmétique, si on inclut tout, je ne sais pas si enfin voilà, si je suis assez précise, mais je dirais entre 60 et 80 euros par mois. Donc là, tu inclus quoi? Tu prends quoi en compte dedans? Les produits visage? Crème, sérum, ouais, et puis maquillante, produits solaires aussi pour l'été. Ah oui. Ouais, je vois. Ouais. D'accord. Comment tu choisis un produit anti-âge du coup? Quels critères sont importants pour toi? Alors, déjà, mes produits anti-âge, j'ai pas une marque définie. Je change souvent de crème quasiment à chaque fois, en fait, à Ah, chaque fois que le d'accord. pot est terminé. En fait, pour moi, c'est la notoriété. C'est vrai que je suis assez conditionnée à prendre des marques connues, sauf D'accord. et le plus souvent, je suis très sensible à l'odeur. Ah oui. l'odeur de la crème et puis à la texture, d'ailleurs avant encore plus à la texture, il faut que ça pénètre bien, que ça soit pas collant. Alors ça, pour moi, ça serait rédhibitoire. Donc Ah oui. c'est vraiment ça. Et après, parfois, je peux lire un article ou voir un classement, par exemple, dans 60 millions de consommateurs, quelque chose comme ça. Là, je peux être sensible à une crème, à ce qui est dit sur une crème et je l'achète. Je Ah suis oui, assez d'accord. sensible au marketing aussi de ce point de vue-là. Je ne sais pas D'accord. si c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais voilà. Bon, bah beaucoup, beaucoup sont dans ton cas. Hein. On n'a pas forcément le temps d'aller creuser la composition de chaque produit pour comparer, etc. Donc, c'est les informations qui viennent à nous qui nous influencent. Et est-ce que, par exemple, l'actif qui est dans le produit, ça peut t'influencer? Pas spécialement. Oui, je sais que alors l'acide hyaluronique, hein, il y en a par exemple dans certaines crèmes. Je sais que On en quand parle beaucoup, oui. ils ont démarré avec ça, j'ai entendu ça Ah. et je me suis dit tiens, bah, ça a l'air. Enfin, je pense que c'est pas mal, mais sinon ça va pas être systématique non, dans mon choix de crème. C'est un plus, mais ça va pas être une condition sine qua non. Ouais, d'accord. Voilà. Et Mais bon, ça m'influence quand même. Ça m'influence quand même, oui, on peut dire. les conseils de proches éventuellement? Oui, pas trop. C'est Si, plus ça. en Mais pas magasin trop, que tu pas vas trop. décider. Oui. En fait, tu ne pars pas avec déjà en tête l'idée Enfin, du produit que tu vas acheter. c'est ça. En magasin, non. Et en ligne, hein, parce que j'achète surtout en ligne. Hein. C'est Ah, rare que j'aille dans un d'accord. magasin. Oui. Donc je regarde un peu Mais alors, tu parlais de la texture et de la senteur ce en qui ligne, c'est m'inspire. compliqué. Oui, c'est une bonne remarque. Mais en fait, il y a le prix aussi hein, qui joue. Hein, je veux dire dans le choix des crèmes. Mais une fois que j'ai, en fait, je connais certaines gammes. Par exemple, Lancôme, Estée Lauder, etc. Et je sais que j'aime bien l'odeur. Ah oui, Parce non. que je l'ai senti effectivement dans un premier temps. Oui. Donc voilà. Et je pars du principe que ces marques-là, l'odeur va me convenir. Oui, je vois. Discrète. Ouais. Mais Elles peut-être que font c'est un a priori. Hein, attention. mais voilà, ça m'a rarement, sauf peut-être, je vais en parler après, mais sauf exception, je me suis rarement trompée. Ouais. Ouais, d'accord. Et tu as cité justement le magazine 60 millions de consommateurs. Je voulais vous dévoiler, chers auditeurs, ce soir un des classements que le magazine a fait. Donc c'est un magazine qui est réputé comme étant objectif, censé en tout cas être agir dans l'intérêt du consommateur en étudiant précisément les compositions, etc. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé une dizaine de crèmes de jour anti-âge selon plusieurs critères, alors le prix, la composition, plus ou moins bonne pour la santé, et l'efficacité du produit. Donc je voulais vous donner les deux produits de jour qui ont eu la meilleure note dans ce classement. On a la crème de jour anti-rides Age Focus de Nocibé. Elle a eu une note de 11,5 sur 20. Tu vois, c'est pas énorme hein, Ah comme oui, note, non, sachant que c'est la première du classement. Mais apparemment, elle est très efficace, notamment sur les pattes-doigts. Donc, c'est les premières rides qui peuvent apparaître à l'extérieur des yeux. Et sur la fermeté de la peau aussi. Et son prix en plus est assez abordable, 24,95 € les 50 millilitres. Tu connaissais? Nocibé, non, alors non, je confonds avec si, enfin, je C'est le connaissais la distributeur Nocibé, Nocibé. oui. Voilà, c'est ça. Mais non, je ne connaissais pas cette crème et je suis quand même étonnée qu'il n'y ait pas des notes supérieures à 11,5. C'est un peu, comment dire, Décevant. ça Oui, interpelle. je vois. Comment Ouais. peut-on. Alors oui, peut-être aussi qu'on peut se dire qu'on ne peut pas faire grand-chose sur les rides, mais. Je pense que c'est dans cette optique-là, parce que pour Ouais. les citer, pour citer les journalistes de 60 millions de consommateurs, ils ont rappelé que si les produits améliorent l'aspect de la peau et son confort, il n'empêche que les rides sont un processus naturel du vieillissement de la peau. Je pense qu'il y a aussi une étude de. Tu vois, entre le résultat et la Ouais, promesse, parce qu'il y a souvent des bien termes sûr. assez forts qui peuvent Du coup, on peut être déçu éventuellement si on s'attend. L'anti-ride en soi est un peu absurde puisque on ne peut pas retirer complètement le processus naturel de vieillissement. Et du coup, le deuxième. Chers auditeurs, dites-nous si vous la connaissiez, vous, cette crème. Moi, je l'ai pas testée. Age Focus de Nocive, du coup. Je regarde qui est avec nous. Ma Juliette, Claire, Charo, Essia, Anne Cox, Astrée. C'est vrai que Astrée, je pense que c'était l'ironie quand elle dit que c'est important pour elle parce que. Vu qu'elle fête son anniversaire ce soir, on peut dire qu'elle a 21 ans, donc évidemment, ça semble un peu loin de ses préoccupations en matière de beauté pour le moment, tout ce qui est anti-rides. On a aussi Esther, Maman Soso, Andrea, Jeanne, Florence, Oreo Queen, Mag, Pinocchio et Laurie. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Alors, quelqu'un intervient. Anne Cox, est-ce que tu connaissais? Non, je connaissais pas du tout cette crème-là. Ah ouais. Ouais, bah nous non plus, et comme quoi c'est celle qui a été considérée comme étant la plus efficace sans avoir une composition trop gênante, on va dire. Alors, tu as évoqué les prix tout à l'heure, Cricri. Est-ce que pour Oui. toi, il y a un minimum de prix pour te dire que la crème est efficace? Je reconnais que oui, c'est sûrement pas fondé, enfin c'est peut-être pas forcément fondé C'est un scientifiquement, formatage, oui. oui, mais et ça va de pair aussi avec l'odeur et la texture quand même. J'ai pu Ah un peu oui. remarquer, même si j'ai pas fait une étude complète. Mais du coup, oui, je vais mettre un minimum. Oui, Je je vais comprends. essayer d'avoir une promotion, hein, parce que maintenant c'est, on peut vraiment facilement avoir des promotions, mais Ouais. je vais quand même mettre un minimum, ouais, dans la crème. Je vais pas en acheter une à 10 ou 20 €, quoi. Non, je vais mettre au moins Alors, est-ce que tu 50, achèterais 60. la deuxième Oui. crème 50-60, Alors. d'accord. La deuxième crème qui a été la plus performante selon le magazine 60 millions de consommateurs, figure-toi que c'est une crème de Lidl, la Q10 Scent, à 2,95 € les 50 millilitres. Et c'est la deuxième sur le critère performance. Donc D'accord, ah oui, là, effectivement. Elle c'est s'appelle ça, comment? c'est Tu peux répéter? interpellant. Alors, Oui. Q10 Scient, CIEN. D'accord. D'accord. Bon, ben, je vais aller l'acheter, hein. De toute façon, j'essaierai. Il n'y a pas de Ah bah, raison. ça serait super que tu nous fasses ton retour dessus. La Oui, Q10 mais Scient de alors, Lidl, est-ce que, chers auditeurs, vous la d'accord. connaissez? Ouais? Tu voulais dire quelque chose, pardon? Non, non, je voulais Cécile? dire qu'il faudra un petit peu de temps pour que je vous dise si c'est efficace, hein, bien sûr. C'est sûr. Théoriquement, on conseille d'essayer un produit au moins 3 semaines pour avoir Ah oui. un retour, puisque comme le renouvellement cellulaire est de 28 jours, bon, en 3 semaines, on peut déjà voir un premier résultat. On a Patrick qui D'accord. intervient. Bonsoir Patrick. Alors, bonjour, bonjour. J'ai trouvé une astuce pour lutter contre les rides. Il faut s'enduire le visage d'huile de coco et c'est très bon pour la santé en plus. Ah, les huiles végétales, Ah tout oui. à fait. Alors, l'huile de coco est assez réputée comme étant bonne pour la peau, en effet. Et, je vais parler d'autres huiles aussi tout à l'heure. Ouais, bonne astuce, le fait de nourrir sa peau avec des huiles naturelles végétales est en effet un bon moyen d'éviter la déshydratation qui ensuite cause les rides par. Effet indirect en fait. On a aussi Anne Cox qui Eh intervient. bien non, je ne connaissais pas non plus cette Ouais. crème, mais c'est vrai que Alors c'est tentant vu le prix. attention, j'ai pas encore précisé le bémol. Apparemment, en revanche, sa composition est à retravailler, c'est ce qui était précisé. Donc, elle est peut-être très efficace, notamment contre l'aspect rugueux et la peau. De la peau, pardon, et les pattes doigts, mais la composition n'est pas idéale. Ah, Donc, d'accord. il y a quand même un bémol. On a Et Juliette celle aussi qui a. de... Non, Pardon. j'ai jamais testé. Est-ce que tu peux donner répéter le nom de la crème, s'il te plaît? Et du coup, c'est pour prévenir contre les rides ou c'est vraiment pour enlever les rides? Enfin, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Tout à fait, il y a une différence, Juliette. Juliette, à l'affût d'un bon plan, c'est la crème Q10 Cian, CIEN, de Lidl. En fait, on prévient des rides davantage qu'on ne les enlève parce que c'est un processus naturel un peu incontournable, le vieillissement et le fait que la peau se marque un petit peu. Et du coup, le mieux qu'on puisse faire, le plus utile, c'est de prévenir un maximum. On ne pourra pas, avec des méthodes naturelles, retirer toutes les rides. Ça, c'est pas possible. Donc là, je mets souvent en termes de marketing, je pense que ils utilisent plutôt l'expression prévenir plutôt que guérir. Non, c'est pas ça. Mais plutôt que retirer vraiment, supprime les rides. Je suis pas sûre de l'avoir déjà lu, par exemple. Tu voulais dire quelque chose, Cricri? Oui, ce que je voulais dire, c'est est-ce que la crème de Nocibé, la première du classement, a une composition qui est meilleure? Alors, comme je n'ai pas eu le classement, mais j'ai lu des articles qui parlaient du classement, parce que je n'ai pas acheté D'accord. le magazine, je n'ai pas le détail précis, mais c'est pour D'accord. la crème Q10 Cian qu'il C'est ça. D'accord. faisait, voilà, qu'il mettait une petite alerte sur la composition. Voilà. D'accord. On a aussi Anne Onyme, petit jeu de mots, qui participe. Alors bonsoir les filles, je me Bonsoir. permets de faire une petite digression par rapport au sujet de votre émission. Voilà, j'ai appris aujourd'hui que Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison, ferme apparemment, et le pauvre aura une peine aménagée, c'est-à-dire qu'il aura droit de rester à résidence avec un bracelet électronique à la cheville ou au poignet. Bref. Sur ce, je voulais ajouter que je faisais une petite quête, voilà. Donc, si certains souhaitent envoyer une orange à Nicolas Sarkozy pour qu'il puisse bénéficier d'un jus de fruits assez sain par rapport à ce qu'on nous offre en grande surface, eh bien écoutez, envoyez vos dons sur mon Insta, voilà, et je ferai en sorte d'envoyer ces oranges à ce pauvre monsieur Nicolas Sarkozy, voilà. La vie est dure pour certains. Ah là, je crois sentir une pointe d'ironie anonyme dans ce commentaire assez éloigné en effet de notre thème, même si tu as parlé tu as utilisé l'expression un enfer, mais nous on s'intéresse entre autres à la fermeté de la peau ce soir. On a aussi Essia qui intervient. Bonsoir à tous. Alors pour continuer dans les huiles végétales, contre l'apparition des rides, pour lutter contre l'apparition des rides du vieillissement cutané, il y a l'huile d'argan et également, Ah donc là c'est la Rolls des Rolls, hein, au niveau des huiles végétales, c'est l'huile de pépins de figue de Barbarie, qui nous vient du Maroc essentiellement normalement. Elle est assez coûteuse, mais vraiment très très efficace pour lutter contre l'apparition des rides, pour de tenser la peau. Voilà. Ah bah merci de ce conseil, Sia. Justement, dans les huiles végétales que je voulais citer tout à l'heure, j'allais évoquer l'huile de figue de Barbarie, de pépin de figue de Barbarie que tu as cité, parce que c'est sur Instagram le fondateur de la marque Poétique qui m'a donné ce conseil. Apparemment, c'est une huile très, très efficace avec des vertus anti-âge. Bah merci de tes conseils. Et Anne Cox? On va plutôt lui envoyer la crème de Tu rebondis à ce que disait pas mal, pas mal. On va faire un panier complet. En tout cas, je ne connaissais pas cette huile, moi, l'huile de pépins de figue de Barbarie, oui, c'est bon à savoir. Oui, c'est vrai que moi non plus, avant qu'il m'en parle du coup sur Instagram, bah, c'est un terme très long déjà. Oui. Et du coup, même les figues de Barbarie, non, j'avais pas entendu parler. On a une troisième crème qui a été citée, qui elle est bonne pour sa composition dans ce magazine toujours. C'est la crème de la marque Marilou. C'est un produit biologique. Et là, il est à 7,80 € les 50 ml. Donc, très abordable, donc, qui a été considéré comme la meilleure des crèmes biologiques par le magazine. Donc, il y a aussi une alternative côté composition, tu vois. La crème Marilou, si ça vous intéresse. D'accord. Plutôt abordable, hein, 7,80 € les 50 ml, alors que la première de Nocibé était à 24,95 €. Donc, plutôt intéressant pour Ah oui. pour un produit issu de l'agriculture biologique. Alors, maintenant, on va passer à mes deux questions incontournables, cri-cri dans beauté imaginée. Déjà, est-ce que tu pourrais nous faire rire avec une erreur, une gaffe cosmétique que tu aurais faite, un produit mal utilisé? Alors déjà une première, alors je sais pas si c'était une gaffe, mais je me souviens bien de mon premier nettoyage de peau. Ça s'appelait comme ça à l'époque, hein, c'était pas soin du visage, mais Ouais. nettoyage de peau dans un institut de beauté. Donc j'étais adolescente et je suis revenue avec Ah. plein de boutons. Je suis revenue parce qu'elle m'avait percé tous les points noirs et je suis Les revenue collégiens, la ouais. peau couverte de boutons. Bon, donc Ah là j'ai là. attendu un moment avant d'y retourner. Sinon, il y Et a avant de quelques années, sortir, peut-être. avant de sortir, ça c'est sûr. En étant Entre ça, adolescente, oui, c'est pas ouais. l'idéal. Entre ça et le coiffeur où tu ressors avec, t'oses pas montrer ta coiffure ou ta coupe, ouais, c'était pas terrible. Ouais. Sinon, il y a quelques T'as pas années, fait les j'ai. deux le jour même. Non, non, non, non, j'ai pas pris le risque, heureusement. Il y a quelques années, j'ai acheté une crème d'une marque connue, mais très ancienne. Je pense que c'est une des plus anciennes. Et il y avait une Ah oui. promo super intéressante. Donc, je me suis dit, oh, bah, tiens, tout juste si j'en ai pas acheté 5 boîtes pour, bon, j'ai commencé par une. Et en fait, j'ai trouvé l'odeur, mais vraiment désagréable. J'ai jamais réussi à la D'accord. mettre. Donc, je l'ai jamais Oh utilisée. mince. Mais bon, je citerai pas la marque, mais c'est vrai que ça avait un air de, comment dire, un peu vieillot comme marque, et j'ai regretté d'avoir acheté le pot. C'était pas cher Ah, du et tout. tu l'as acheté un plein d'exemplaires. Et t'es sûr que tu Non, dis que la non, marque était très, non. Non, très ancienne? Est-ce que c'est pas le pot qui était très vieux? T'as regardé la date de péremption? Non, non, non, non. Non, non, j'ai acheté qu'un pot, hein, finalement, quand même, mais Ah, j'ai quand d'accord, même essayé. Oui, je me suis dit, j'ai quand même essayé, ouf. mais vraiment, j'ai pas aimé du tout. Si, Ah sinon, mince. j'ai pas souvenir de d'autres, voilà, gaffes ou mauvais usages. J'ai pas ce Ah oui, souvenir-là. d'accord. Ouais, Je sais c'est déjà pas mal. pas. Et est-ce que tu pourrais nous dévoiler ton produit de beauté incontournable ces temps-ci? Oui, alors. Là, ça touche plutôt au maquillage. Alors, C'est tu es sûr, attends, parce que tu sais, on devait le faire deviner, ça, non, ce mais je produit. sais, mais Ah, c'est autre pardon. chose. C'est en fait quand je sors le soir, je mets toujours du mascara noir D'accord. et du crayon au-dessus des yeux. D'accord. Ça OK. c'est mon incontournable effectivement depuis quelque temps déjà, mais voilà, Oui, ça me c'est si tu je me sors, on sait que tu vas appliquer ces Oui, produits maquillage. voilà, D'accord. c'est ça. On a Astrée qui intervient. Alors, son produit de beauté incontournable, c'est le savon. Ou l'eau du robinet. Tu as dit tout à l'heure que tu pouvais utiliser l'eau Exactement. pour te D'ailleurs, démaquiller. j'ai une de mes collègues qui disait que sa grand-mère avait une très belle peau et que son secret, c'était de mettre de l'eau glacée sur son Ah visage oui. tous les jours, et du coup j'ai essayé de faire ça. Bon, je sais pas si ça marche, mais Ah oui. et alors je vais mettre dans le frigo. Je me demande si pour la fermeté de la peau ça serait pas Oui, tout mal à ça. fait. Ah oui, Ouais. apparemment c'est vrai, véridique. Ah Le oui, fait ah bon. que le froid va aider Ouais. ah ouais, à raffermir la peau. Je n'ai pas D'accord. le mécanisme précis. Je ne sais pas si tu te souviens, je crois que tu avais écouté le live sur Beauté et Russie avec Dorothea. Et elle nous dévoilait un des secrets de Beauté Russe, c'était de s'appliquer des glaçons de thé sur le Ah visage oui, chaque c'est vrai. matin. Ah Ouais. ouais. C'est un peu C'est marrant. dans cette même idée. C'est On ça. passe. Alors, on a juste Claire d'abord. J'avais entendu une dermatologue qui disait que c'était bien de se nettoyer la peau à l'eau tiède et ensuite de se rincer à l'eau très Ah, froide. Ah oui. Ah, d'accord. D'accord. Ah, alors peut-être que pour nettoyer la peau, il faut pas que les pores se referment face au froid. Et du coup, une eau tiède suffirait finalement. Et qu'ensuite, une fois que tout a été vraiment retiré niveau impureté, là, on devrait refermer les pores avec ce côté brutal de l'eau froide. Ah, intéressant. Je reconnais que moi, ouais, je suis plus prête à m'appliquer des produits longuement que de me faire souffrir avec de l'eau froide comme ça, mais apparemment, c'est une bonne technique. On passe à la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Chers auditeurs, vous le savez, dans Beauté Imaginée, les auditeurs imaginent de leur côté ma belle invitée, parce que l'imaginaire, c'est aussi la force du podcast. Trois caractéristiques ce soir à deviner sur Cricri. Son âge, l'instrument dont elle sait jouer. Et pour les auditrices qui connaissent Cricri ce soir, on voulait que vous ayez aussi quelque chose à deviner. Quel est selon vous le produit maquillage incontournable de Cricri? Bon, c'est pour ça que j'étais étonnée que tu parles de maquillage, parce que là, ça réduit un petit peu le champ Ah des oui. possibles. Enfin, les réponses, on va voir si du coup vous trouvez plus facilement. Est-ce que vous avez repéré chez Cricri un produit de maquillage, là plutôt en journée même, incontournable? Dites-nous tout. Alors, on a Claire du coup qui intervient. Elle préconisait aussi de s'essuyer la peau avec toujours une serviette propre en comment surtout en ne frottant pas, Ah oui, en essayant tapotant. d'absorber comment de manière douce. Oui, de tapoter pour surtout pas irriter et créer des micro-lésions comme on pourrait le faire en frottant trop fort, d'accord? Son produit incontournable, la crème hydratante ou crème Alors solaire. là on est plus sur le maquillage. Là, c'est du coup un produit maquillage. Ah, bah, il y a plusieurs personnes qui vont deviner. Donc, voici les trois caractéristiques. L'âge de Cricri, l'instrument qu'elle joue et le produit de maquillage incontournable. On va commencer par Essia. Alors pour l'âge, moi je dirais, elle se situe entre 35 et 45 ans, allez on va dire. Et le produit de beauté, je me demande si c'est pas une CC crème ou une BB crème pour le teint. Quelque chose en tout cas qui a un rapport avec le teint. D'accord, merci Sia, on va le savoir dans un instant. Anne Cox, qu'est-ce que tu en penses? Le mascara. Alors le mascara, mais comme Cricri l'a cité tout à l'heure, c'est pas ça en fait. Son produit incontournable en termes de maquillage, même la journée. Il y en a un autre, Astrée. Bon, alors moi je vais répondre pour la troisième question. Je dirais. Alors, désolée, j'ai peur qu'Astrée connaisse la réponse, mais bon, je lance quand même, Bon, les deux alors sont moi je vais passés. répondre pour la troisième question. Je dirais le produit incontournable. Du coup, elle a déjà dit le mascara et le crayon, donc il n'y a plus grand-chose. Mais Ah. peut-être. Comment ça s'appelle? Pas du fond de teint, mais un ressemblant, enfin peut-être genre bébé crème, un truc comme ça, mais un équivalent, voilà. D'accord. Bon, donc, bébé crème, comme le pensait Essia. Juliette, t'en penses quoi? Je pense que Cricri a autour de 65 ans. Ah, grand écart avec, avec la proposition d'Essia. Claire? Le mascara. Mascara du coup, bah ça serait vraiment dommage de nous l'avoir dit ju juste avant. Juliette, Je veux dire du mascara. Claire, Alors, si ce n'est pas le mascara, peut-être le fard à paupières. fard à paupières, Anne Cox, Je pense que Cricri a 50 ans. 50 ans pour Anne Cox. Alors, Cricri, est-ce que tu es vexée ou non déjà? Je suis vexée. Alors, non, je suis plutôt flattée par la première intervention, 35-45 Ah ans, parce oui. que j'ai un peu plus. Par contre, 65 ans, là, je trouve que la personne y va un peu fort. C'est Ah, Juliette, hein, c'est ça. je crois Puisque, bien, oui. alors, la vérité est un peu entre les deux. En fait, je peux le dire là? Ça y Je est, peux donner mon vas-y, âge? dis-nous Bon, tout. 57 ans. Ah, 57 ans. Oui, Donc, oui. oui, alors tu étais quand même du coup plus proche de ce qu'a dit Juliette que de ce qu'a dit Sia, C'est vrai. mais. Bon, je suis pas très chiffre, hein. Je suis pas très chiffre. Donc j'avais l'impression que j'étais plus proche du premier. Est-ce que tu peux Voilà. nous révéler l'instrument que tu joues? Bon, c'est pas très original. Je pense que c'est le plus connu, c'est le piano. Ouais, Voilà. Mais j'en personne fais d'ailleurs ne depuis. s'est tenté à deviner. Mais je peux dire que j'en fais depuis 50 ans pile. Oh, ah oui, pas mal. Ça aurait été un Ouais, bon indice. Ah ouais, c'est ça. ah. Oui, c'est vrai. Et pour ce qui est du produit qui n'était pas le mascara, du coup, le produit que tu préfères en fait en niveau maquillage. Alors, c'est pas très éloigné de la bébé. La poudre terracotta. Ah oui. C'est en fait, je me rappelle une amie, une collègue, il y a, bon, j'ose plus dire, peut-être 20 ans, qui Ouais. m'avait, je sais pas, elle trouvait que j'avais le teint un peu pâle et elle m'avait dit, tiens, si Ça fait toujours t'essayais, plaisir. bon, il y a les vrais amis, les bonnes amies, mais bon, là, c'est dans la façon dont on le dit aussi, hein, c'était vraiment bienveillant. Oui. Et elle m'avait conseillé de mettre de la terracotta pour rehausser un peu mon teint. Et depuis, j'en mets tous les jours. Tous les jours. Ah Je oui, crois que c'est j'ai, il ça. n'y a pas un Ah jour où oui. j'en ai pas mis. Ouais. Ah ouais. Et C'est en fait, de, comme ouais. ça C'est répond le à ton numéro envie zéro, d'être hein. très bronzé. Pour toi, le teint, Oui, c'est ah! important aussi, puisque tu aimais Oui, bien le fait d'être bronzé, et ben là, c'est la continuité finalement. C'est cohérent oui, avec ça. c'est ça, c'est avoir bonne mine. Et puis aussi, je dois avoir deux taches de grossesse, vous saurez tout. Et Ah, du coup, ça sur permet de le les visage, masquer du coup. sur le visage. Bon, elles se Ah, sont un peu d'accord. atténuées, c'est pas très visible, mais moi je les voyais. Et Les cette fameuses poudre-là permet, masques, ouais, masque de le masque, grossesse. voilà. De grossesse. Mais bon, j'ai eu D'accord. que deux petites taches parce que je me suis pas exposée pendant mes grossesses. Mais oui, Ouais, c'est ce n'est aussi pas ça une qui m'a. légende. Voilà. D'accord. Non, non, non, on est beaucoup plus fragilisé quand on est enceinte. Le moindre, voilà, coup de soleil et tout peut entraîner des petites taches, hein, même si on n'y est pas sujet. Oui, donc. Voilà, et la terracotta, ça a résolu, voilà. Ça, D'accord. peut-être que ça rassure aussi de mettre ça, comme ça, je me dis, bon, allez, s'il y a des Ouais. imperfections, c'est. Ah, je vois, oui, ça a un double effet finalement. Le seul truc, c'est que parfois, je prends la dose et je sais que des personnes me disent, mais tu es partie en vacances, et là, je me dis, ah mince, j'en ai un peu trop Ah. mis ce Oui, j'avoue. Tu es matin. parti en vacances cette nuit. C'est ça, depuis hier. Alors, il y a Juliette qui réagit. Est-ce que tu es toujours amie avec cette personne? Oui, mais d'ailleurs, je ne suis même pas sûre qu'elle soit consciente de ce qu'elle m'avait Ah oui? dit et il faudrait que De je lui en son dise. influence Oh, sur depuis. Voilà. les actions de terracotta de Clarins. Ça. 20, Ouais, tout 20 à ans fait. de fidélité grâce à elle. C'est là qu'on voit l'importance du bouche à oreille, bien, Oui, enfin, dans certains contextes. Après, on a un vrai impact c'est vrai. sur le long terme, quoi. Oui, Et oui. est-ce que tu peux, Cricri, te présenter, peut-être nous dire un peu ce que tu fais dans la vie et tes hobbies pendant que je poste sur Instagram ta vidéo mystère? Ouais. Alors ça, j'avais pas préparé. Bon, non, je plaisante. Alors mes hobbies, c'est que j'ai arrêté de travailler. Enfin, ça, c'est pas un hobby, mais en tout cas, actuellement, j'ai arrêté de travailler. J'étais à Air France jusqu'à il y a 2 mois, et je vais me former à la sophrologie. Voilà. À partir donc de lundi prochain, je suis une formation de 6 mois en sophrologie pour après exercer pas à plein temps, mais au moins ponctuellement. Mes hobbies, bah, j'aime bien le sport. J'en ai donc toujours fait de la marche rapide, du renforcement musculaire, le vélo aussi, la bicyclette, enfin le cyclisme, pas la bicyclette. D'accord. Également la musique. La musique, j'aime bien jouer du piano, écouter de la musique, etc. Aller à des concerts et puis les spectacles de danse, j'adore danser. Et puis également la lecture. Ouais. Ok, très Voilà. bien. Digne, digne des Comment? pardon. C'est digne de ce qu'on excusez-moi, c'est digne de ce qu'on lit dans les bas de CV, tu sais. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai pas dit les voyages, hein. J'aurais pu Oui, dire c'est les vrai, voyages il n'y a que ça, il n'y a que ça qui manquait. Et désolée, j'avais coupé mon micro parce que j'ai rigolé à tes deux blagues. Mais du coup, tu as fait tes blagues dans le vide parce que enfin, j'ai rigolé quand tu as dit que tu n'avais pas préparé. Mais en fait, j'avais coupé le micro pour poster sur Instagram. Et justement, chers auditeurs, vous pouvez découvrir les talents de Cri au piano. Et ça met un peu la pression à ta vidéo parce que tu as dit que tu en as fait 5 ans. Ah mince! Attention, on discontinue. Hein. Non, non. J'ai commencé il y a 50 ans, mais après je me suis arrêtée. En fait, ce sont les 8 premières années, ou 8 ou 9, où j'ai vraiment pris des cours. Après, c'était plus pour mes loisirs. Et je joue moins bien qu'à l'âge de 15 ans. Hein, c'est le paradoxe. Ah Mais bah je me fais plaisir. oui, Ben toi. oui, c'est ça. C'est ça, Ouais. souvent. Bah oui, là tu sais jouer du piano depuis 50 ans, mais ça Voilà. veut pas dire que tu C'est ça. progresses. Oui, c'est bon. Non, mais en l'occurrence, ta vidéo est très bien, mais les 50 ans, c'est vrai qu'on fait waouh! Et du coup, maintenant, nous allons passer, chers auditeurs et chers cri-cri, à la rubrique du quiz vrai-faux. J'ai quatre questions pour vous ce soir, pour vous challenger sur vos connaissances côté vieillissement cutané et produits anti-âge. Est-ce que tu es prête, cri-cri, du coup? Oui. Parfait, parfait. Donc, je vais te proposer des affirmations et il faut dire si c'est vrai ou faux. Chers auditeurs, du coup, vous pouvez commenter pour nous dire aussi si vous pensez que c'est vrai ou faux. C'est donc le petit rond avec le micro en bas de votre écran de l'application. Alors, en 2017, dans le monde entier, selon le site Statista, 30,5% des plus de 50 ans appliquaient chaque jour un produit anti-âge, hommes et femmes confondus. C'est ce que j'évoquais comme affirmation à Juliette tout à l'heure quand elle disait appliquer son produit anti-âge chaque jour. Donc, est-ce que pour toi, c'est vrai que dans les plus de 50 ans, hommes et femmes confondus, 30,5% d'entre eux appliquent un produit anti-âge chaque jour? Alors c'est mondial, c'est mondial, Mondial, oui, tout à fait. C'est ça mondial. qui n'est pas évident. C'est vrai. Ça aurait été la France, j'aurais dit vrai, mais comme c'est mondial, je vais dire faux. À première vue, comme D'accord. ça. Tu Je trouve penses que ça c'est beaucoup. moins Bah, élevé, c'est y a ça? plein de gens. Ouais. Y a plein de gens qui n'ont pas ce loisir-là de s'appliquer un produit anti-âge, pour moi. Ouais, bien sûr. Oui, Ouais. je Non, vois non. bien. Voilà. Alors, qu'en pensent nos auditeurs? On a Juliette, Claire, Charo, Essia, Anne Cox, Esther, Sophie, Jeanne, Pinocchio, Laurie, Cécile, Namiko et Andrea. Bonsoir à tous pour ceux que je n'avais pas encore salués. Qu'est-ce que vous en pensez-vous? Est-ce que dans le monde, chez les plus de 50 ans, 30,5% appliquent chaque jour un produit anti-âge, hommes et femmes confondus? Alors Juliette, du coup. Je dirais vrai parce que je pense que parmi les femmes, il y en a beaucoup, mais parmi les hommes, pas tant que ça. Donc même si ça semble pas très si ça semble peu, 30%, et ben je dirais vrai. Alors, donc Juliette, pour l'instant, tu n'es pas d'accord avec Cricri. Et Sia, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, j'aurais dit faux également. Ok, donc là, d'accord avec Cricri pour Sia. Anne Cox? Je pense que c'est vrai, 30%. D'accord, donc on a deux équipes là, 2-2. Et Sia Cricri contre Juliette Anne Cox. Et c'était vrai. Bravo. En fait, ouais. Donc, D'accord. Eh ben. c'est pas bon pour toi, Ah mais non. bravo du coup à Juliette et Anne Cox, puisque oui, c'est ça, 30,5% des plus de 50 ans en appliquent chaque jour. J'ai le détail des tranches d'âge, donc ça, c'était en Oui. 2017 en tout cas. Ouais. Oui. Alors, Et c'est vrai 4,6. que... D'accord. Non, pardon, pardon. Ouais. Non, je t'en prie, je t'en prie. Non, j'allais dire par exemple les Chinois qui ont enfin voilà qui sont très nombreux comme on sait, les Asiatiques certainement qu'ils en appliquent pas mal et effectivement ils doivent faire remonter le pourcentage. Tout à fait, on avait fait un live du coup avec Julie sur les tendances de beauté asiatique et il ressortait cette envie de faire très attention à sa peau, de la protéger beaucoup du soleil et un âge relativement jeune. Donc oui, c'est sûr que ça joue dans la balance. Et en fait, au niveau du détail, on a chez les 15-19 ans seulement 4,5%, mais je trouve ça quand même pas négligeable. Je sais pas ce que tu en Ah penses. 4,5% oui, des surtout un produit 15-19 ans qui en anti-âge. appliquent. Ah Oui, voilà, ouais, c'est je trouve ça. ça Oui, beaucoup, hein. non, Ouais, parce que tout là, à fait. on parle pas de crème hydratante, ça c'est sans doute beaucoup plus important. Mais oui, Ouais, un ouais. anti-âge, ouais, c'est assez D'accord. c'est Ouais, tôt. c'est Après, beaucoup, bon, oui. 19 ans, c'est déjà plus tard que 15 ans, mais ouais, c'est un nombre conséquent. Et chez les 20-34 ans, on a 15%. D'accord. 29% chez les 35-49 ans et D'accord. 30,5% chez les plus de 50 ans. Donc, en gros, à partir de 35 ans, là, on ressent un bon pourcentage de C'est personnes ça. sensibilisées finalement. Alors, D'accord. Juliette intervient. J'espère que tu notes ma note au fur et à mesure, Alice. C'est important. Et oui, Juliette, quand tu réussis, c'est important. Donc là, un point pour Juliette, zéro pour Cricri. Du coup, deuxième affirmation. Cricri, qu'en penses-tu? Légalement, on ne peut pas écrire produit pour les plus de 40 ans sur un produit cosmétique. Vrai ou faux selon toi? Pour moi, c'est vrai. Oui. C'est di discriminatoire. Ouais, donc Et je plus de répète 40 ans, en plus, je trouve l'affirmation. ça bizarre, mais bon, oui. Donc Pour moi, je c'est vrai. répète l'affirmation. Légalement, on ne peut pas écrire produit pour les plus de 40 ans sur un produit cosmétique. C'est du coup illégal. Juliette, est-ce que tu es d'accord? Je veux dire vrai. Là, vous êtes toutes les deux du même avis. Est-ce que Anne Cox est d'accord? C'est faux. On peut l'écrire. Faux pour Anne Cox, Ah, donc pas tiens. d'accord avec vous. Merci Anne Cox en tout D'accord. cas de ta participation, c'est cool. Oui, active. Eh bien, je vais vous révéler que pour l'instant, c'est un sans faute pour Anne Cox. Et oui, c'est faux. On a le droit, Ah hein. bon? Après, peut-être que tu trouves que marketingement parlant, entre guillemets, c'est déplacé, mais il n'y a pas Alors là. d'interdiction. D'ailleurs, chez Lancôme, par D'accord. exemple, il y a des crèmes anti-âge qui apparemment portent les mentions dès 30 ans, dès 40 ans, dès 50 ans. Et chez Clarins, on a des appellations comme pour prévenir les rides des 30 ans, une peau dense et éclatante dès 50 ans, une peau Ah raffermie et oui, lustrée bien dès sûr. 40 ans. D'accord. Ouais. Oui, mais quand même, Oui, j'aurais et pas cru y a que. rien D'accord. d'interdit, tu vois. D'accord. Bon, ben, Mais oui, mais ça démarre bien. la tournure. Donc, il y a quatre questions. Tu es pour l'instant à 0 sur 4. Vas-tu battre le fameux record de Juliette? Juliette qui a 1 sur 4 pour le moment. On continue pour le savoir. Troisième affirmation. Le fait de muscler les muscles de son visage limite les rides. Et un jeu vidéo a d'ailleurs été créé pour inciter les joueurs à le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, à chaque fois, je suis assez spontanée, ça me réussit pas dans mes réponses, mais je vais quand même dire vrai, vrai. Donc vrai, Oui. vrai pour Ouais, en toi. plus, je sais qu'il y a des appareils maintenant chez les esthéticiennes pour, je sais pas s'ils muscles, mais bon, il y a. Enfin, je sais que ça agit sur peut-être certains muscles du visage. Donc, oui, moi, je dirais vrai. Oui. Alors, qui commente? Juliette. Faux pour Juliette et vrai pour Cricri. Et bah cette fois-ci, c'est Cricri. Bien joué, Ah, Cricri. Ton premier point est quand là. Pouf. Ouf. En effet, il y a un jeu en 2007, en l'occurrence Faith Training, lancé par Nintendo au Japon sur la console DS. Et il y avait donc la petite caméra qui permettait de s'observer en train de faire les mouvements. Donc oui, même D'accord. l'industrie du jeu vidéo a essayé de s'immiscer dans cette lutte contre les rides Ah ouais, qu'on c'est peut remarquer. fou. Quatrième affirmation et dernière, l'unique béaba pour aider sa peau à être moins marquée, c'est en fait l'hydratation. Vrai ou faux, Cricri? L'unique béaba. L'unique béaba, c'était Oui, pas très français d'ailleurs. si, L'unique, si, le c'est bon. Oui, le béaba, oui. béaba Ouais. unique pour aider Ouais. sa peau à être moins marquée, c'est en fait l'hydratation. Ah. Je pense qu'il n'y a quand même pas que ça. C'est la base, mais c'est pour moi nécessaire, mais pas suffisant. Donc, c'est pas l'unique. Donc, du coup, je dirais faux. Donc pour toi, c'est faux. On a Bibou le fou aussi qui est intervenu. Salut Bibou. C'est quoi? Tu m'as dit quoi? La vie de ma mère, Si vous êtes je encore en train d'écouter ce message vocal, vous avez une vie de merde. Non, c'est pas forcément ça. C'est pas de la sur la En caméra ou à fait, la j'ai la fly. solution. Ils sont juste un petit peu cons. Voilà. Très bien. Merci Bibou. On va dire que Bibou est d'accord avec toi. Est-ce que un de nos Ouais. auditeurs veut se positionner sur cette affirmation-là? L'unique béaba pour aider sa peau à être moins marquée, c'est en fait l'hydratation. Donc toi, tu penses que ce n'est pas vrai puisque ce ne serait pas l'unique béaba. C'est ça. Juliette? C'est faux. Juliette est d'accord avec toi. Et Anne Fox? Anne Cox, Je pardon. suis d'accord avec Christine, c'est faux, ça suffit pas l'hydratation. Bien joué à toutes les trois. Donc bravo Cricri, 2 sur 4, c'est la Ah, moyenne. quand même. Ouf! Je sauve les Et meubles. c'est ça. Mais Juliette t'a battue avec 3 sur 4. Et on aime bien se Ah comparer à Juliette dans Beauté ouais. Eh oui. imaginée. Du coup, on avait aussi Essila qui participait. Pareil, je dirais que c'est faux. C'est pas l'unique, Bien joué. on va dire béaba pour lutter contre les rides. Ouais, tout à fait, Juliette. Alors, ça m'aurait fait très plaisir, mais je crois que j'ai eu 2 sur 4 aussi. Ah bon? Bah non. Si je ne me Ah, trompe pas, Juliette, tu pourras réécouter. Ah, t'es d'accord avec la elle? troisième, elle a pas dit faux, elle a musclé là. Elle n'était pas d'accord avec moi sur le. Ah là là. Je crois. Je Ah, crois. donc vous Faudra serez à réécouter. égalité. Bon, il faudra réécouter le replay et fait pour ça, Eh pour réécouter les scores réels de Juliette. Et oui. du coup, en effet, c'est bien plus complexe que ça. Il n'y a pas que l'hydratation qui entre en compte. Alors, on a les C'est audios, tu gentil les écoutes d'essayer de me d'abord. rajouter des points. Anne Cox. Et moi, sur la troisième, j'avais pas appuyé assez longtemps, mais j'avais raison aussi. Ah mince, Ah! ça c'est rageant. Ah donc Anne Cox, ce serait un sans faute là, c'est ça que tu nous dis? Pas mal. Bien joué, bien joué. Du coup, par Bravo. rapport voilà à cette au facteur en fait qui entre en compte dans l'apparition des rides notamment, il y a bien sûr des facteurs génétiques internes, mais il y a aussi des facteurs extérieurs. Et du coup, voilà les quelques recommandations qu'on peut lire. Quand on se renseigne sur tout ça, il faudrait bon limiter son stress. Ça, on en avait un peu parlé. On a fait deux lives à ce sujet avec Marine et Steven sur beauté et stress. En effet, ça a un impact négatif sur les signes du vieillissement cutané. Il faudrait se protéger du soleil. Ça, on en a bien parlé. Limiter également la consommation d'alcool et de tabac, puisque ils vont être. Enfin, le tabac notamment va créer des radicaux libres, en fait, qui sont des petites molécules instables qui vont s'accrocher à nos molécules utiles et finalement empêcher des cellules comme le collagène d'être, d'agir comme il faut, d'être assez présent pour assurer, en l'occurrence, la fermeté de la peau pour le collagène. On conseille aussi de bien démaquiller sa peau. Donc, c'est sur ce point-là que je vais faire. Que je vais développer un petit peu, puisque le démaquillage, c'est un des éléments enfin, sur lequel on a vraiment un impact et qui a une véritable, de véritables vertus par rapport au vieillissement cutané. Avant ça, j'écoute Anne C'est absolument ça, c'est un sans faute. Cox. J'appuie longtemps du coup pour que ça s'enregistre. Ah oui, il faut au moins 3 secondes en Bravo! effet sur les commentaires. Voilà. Eh ben bravo, bravo Bravo, Anne Alcox. Cox! Ouais, et sans tricher, puisque on avait une fois Juliette qui avait réussi à remporter un record, mais qui avait eu les réponses par Astrée qui animait l'émission à ce moment-là. Mais là, Anne Cox, vraiment bravo, puisque tu savais tout. Super. Et Sia? Et d'ailleurs, juste un petit point, sachez que les peaux grasses, qu'on dit les peaux grasses, hein, seraient, d'après les études, seraient les moins sujettes, on va dire, aux rides, grâce justement aux glandes céphalées et au sébum justement qu'elles dégagent, on va dire, entre guillemets, sur la peau. Voilà. Ah oui, tout à Ah oui. fait. Ça rebondit Oui. sur le fait que la déshydratation est une des causes fondamentales des rides assez marquées. Et du coup, quand il y a sébum et gras en fait sur la peau, ça limite finalement l'évaporation de l'eau. Et ça permet en effet moins de rides, puisque c'est vraiment le deuxième réflexe à avoir après le démaquillage que je vais davantage développer. Le fait d'hydrater la peau, ça permet que les rides soient moins marquées. Parce que voilà, en fait, enfin, pour revenir, pardon, sur le côté gras éventuellement de la peau, en fait, entre les cellules de l'épiderme, il y a naturellement des corps gras qui réduisent cette évaporation de l'eau, et parce qu'ils font un peu couvercle finalement. Et c'est pour ça qu'on préconise d'utiliser des huiles végétales pour nourrir la peau intensément et empêcher que l'eau dans les profondeurs de la peau ne puisse s'évaporer. Donc hydrater, c'est le béaba, et nourrir la peau aussi peut aider à éviter tout ça. Et donc pour ce qui est du démaquillage, au bout de quelques heures, il faut savoir que la crème, le maquillage qu'on s'est appliqué le matin, ont tendance à se dégrader et à s'oxyder. Je ne sais pas si ça tu l'avais en tête. Non, non, pas du tout, non. Ouais, en fait, du coup, si les résidus restent sur la peau, ils vont avoir tendance à la graisser. Et dans ce cas-là, sa fonction de protection est réduite. Et en profondeur, elle se déshydrate et devient plus sujette aux rides. C'est pour ça que le démaquillage est très important, parce que même si on ne se maquille pas, le fait d'avoir une crème, par exemple, qui s'est un peu dégradée, qui s'est oxydée au cours de la journée, ou le fait d'avoir été face à de la pollution, ou le fait d'avoir le sébum en fait qui bloque un peu les pores de la peau, tout ça va empêcher la peau de fonctionner normalement. Et qui dit fonctionnement normal dit création de toutes les cellules dont on a besoin naturellement, collagène, etc. Et pour vraiment retirer ces particules grasses du cou, que sont le sébum, la pollution, le maquillage, le mieux c'est d'utiliser un démaquillant de type huile démaquillante, parce que comme c'est un corps gras, il va s'accrocher à ces corps gras aussi. Et donc, il va vraiment pouvoir les capter. Et si après cette huile démaquillante, on se nettoie à nouveau avec un savon doux, un nettoyant doux classique, là, on va pouvoir vraiment éliminer ensuite tous les restes, tout ce qui est micro-organismes éventuellement. Donc, la technique du double maquillage, du double démaquillage, qui est très utilisée en Asie, est vraiment bénéfique par rapport à ça. Est-ce que ça te motive, Cricri, toi qui D'accord, veux oui. passer peu de temps à faire tout ça? Je sais, tu l'avais dit à ce moment-là, dans ta routine. Bon, même si j'aurais un peu plus de temps maintenant, alors peut-être que le matin je Ah peux le faire. Mais bon, oui, je suis sensible à tout ce qui est huile, là, enfin, tous vos oui. arguments, voilà, sur Ouais. l'huile et l'importance de pas seulement d'hydrater, mais de graisser aussi, parce que il y a le côté, enfin, je sais que ça, comment dire, il y a les peaux sèches et les peaux déshydratées. Je sais qu'il y a une subtilité. Enfin, Ouais. il y a à la Oui. fois l'eau et le gras. Voilà. Tout à fait. C'est À la ça. surface de la J'avais, peau, on voilà. a Ouais, c'est ça. un équilibre naturel de Ouais. environ Ouais. 30% de gras et de 70% d'eau. On a besoin de cet C'est ça. équilibre-là. Et en l'occurrence, le fait de consolider le côté gras un petit peu de la peau, même sur une peau grasse finalement, ça va aider à ce que la peau ne se déshydrate pas, parce que tout type de peau, par contre, tous les types de peau ont tendance à la déshydratation. Même une peau grasse Ah oui, d'accord. peut être déshydratée, une peau sèche aussi, du coup. C'est deux phénomènes différents. La peau sèche va manquer de gras, de lipides, La peau grasse va en avoir trop, des lipides, des corps gras. Et autre chose, les peaux déshydratées manquent d'eau. Donc c'est en parallèle, tout à fait. D'accord. Et Oui, bien enfin, en sûr, tout du cas, moi, coup, ça me, oui, ça me conforte ça dans le te fait convainc. que il faut attacher plus d'importance au démaquillage. Moi, Ah je reconnais oui, même à un moment donné, je me ouais. démaquillais juste à l'eau, parce que j'avais pris de l'eau démaquillante. Après, je me suis dit, oh, l'eau du robinet, ça suffira bien. Et puis, j'ai ma fille qui m'a dit, mais attends, si tu mets pas de savon, ça sert pas. Ah Effectivement. Oui, oui, donc. peut-être que C'est ça en important. retire une partie, mais en effet, Oui. ça sera pas suffisant. Et d'ailleurs, C'est même ça. l'eau démaquillante, le problème d'une eau démaquillante, c'est que comme elle ne se rince pas, il y a peut-être dissolution de certaines impuretés, mais elles ne vont pas toutes être bien retirées et la peau va pas pouvoir être nettoyée. Ses pores sont pas prêts à recevoir la crème, peut-être assez haut de gamme, chère, que tu appliques après. Donc c'est vrai que ça peut être du gâchis vu comme ça. Oui. D'accord. Et du coup, voilà, on a cité là plusieurs facteurs et plusieurs conseils par rapport à cette prévention des rides. Et pour aller plus loin, bien sûr, les produits cosmétiques ciblés existent. Des études ont prouvé que plusieurs ingrédients avaient des vertus hein, pour aider notre peau à moins marquer et à mieux lutter naturellement et à mieux se renouveler naturellement. Donc, quelques exemples, on a par exemple la vitamine C qui protège la peau des agressions extérieures, les acides gras essentiels qui eux, vont renforcer la barrière cutanée, tout ce qui est oméga-3, oméga-6, donc qu'on peut trouver dans l'alimentation. Les molécules de la classe, pardon, des glycérols, eux, vont aider la peau à rester hydratée. Les actifs de type procollagène vont aider le derme à garder sa souplesse. Donc voilà, il y a beaucoup de recherches évidemment. Hein, comme c'est un thème qui intéresse beaucoup de consommateurs potentiels, les marques essayent d'étudier tout ça et de découvrir des actifs qui peuvent aider. Et en tout cas, Amar, je suis désolée Juliette, on n'avait pas écouté, on avait un petit audio, je le joue tout de suite. Ouais, il faut appuyer au moins 15 secondes pour que ça passe, sinon le commentaire passe pas. Juliette fait une Non. blague. 15 secondes. Juliette veut obliger Hancock à appuyer 15 secondes, peut-être dans le vide. Pas très sympa, mais drôle. Du coup, si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets, vous pouvez aller regarder le site Dermato-Info, qui est très intéressant. Il y a aussi le blog Anatomie des cosmétiques, qui vulgarise très bien toutes les notions cosmétiques. Et Statista aussi, pour tout ce qui est statistique, évidemment. Et Cricri, donc, on l'a dit, 2 sur 4, bien joué. Ça sonne la fin de notre live stéréo sur beauté imaginée concernant les astuces anti-rides. J'espère que vous avez découvert quelques pistes pour mieux prévenir les rides et mieux prendre soin de votre peau. Toi, Cricri, quelle info t'as la plus marquée dans le vrai-faux? Alors, ce que je disais là, l'importance d'un bon démaquillage pour Ouais. optimiser bah, l'efficacité de la crème, ne serait-ce que ça. Et puis, bon, bah voilà, ça fait partie du process et c'est très important. Et puis, les crèmes efficaces sont pas forcément celles qui sont de marque et coûteuses Ah finalement. oui, Hein, ouais, ça, je vois. je m'en doutais un peu, mais ça semble le confirmer. Donc ça aussi, pour moi, c'est important, ouais, comme Ce qu'il y a, c'est que information. les grandes marques ont le budget pour faire beaucoup de recherche et développement, investir, trouver, découvrir des actifs un peu révolutionnaires, Oui. etc. Donc ça, c'est Oui. une certitude. Oui. Oui. Maintenant, parfois, c'est juste du marketing, essayer de voir à partir de quel prix le consommateur va être émerveillé face à la crème, voilà, en se disant si c'est ce prix-là, elle est géniale. Donc oui, y a les deux notions qui entrent en compte, c'est sûr. On Oui, a Juliette qui et a... Ouais, oui, pardon, excuse-moi. oui, et dernière chose, bon, on pourrait en parler longtemps de ce sujet, mais limiter son stress, je pense que ça me conforte dans le fait de me lancer dans la sophrologie et dans Ah la oui. formation à la sophrologie, puisque ça a justement comme vertu de d'aider les gens à stress. Ça va dans le bon Tout sens. à fait. Oui, c'est Prix, vrai, et c'est ce y que je voulais compris pour dire la tout à peau. l'heure. Ouais, on Oui. pourra animer ensemble une émission sur le bien-être Ah via la oui. sophrologie, pourquoi pas, puisque dans Oui. Beauté Imaginée, le bien-être est aussi important pour tout ce qui est finalement enfin, beauté intérieure. Le bien-être et la beauté sont souvent très liés, ça peut être intéressant, ouais. Oui, avec plaisir. Bah, super, c'est noté. Quand tu auras déjà suivi quelques cours, tu pourras nous raconter tout ça. Je joue les deux commentaires, Juliette. Eh ben, c'était très intéressant. Merci pour ce live et bon, par contre, j'ai attendu 15 minutes ma blague, mais c'est pas grave. Ah, désolée Juliette, en plus c'était plutôt rigolo. Désolée Juliette, et Pacheco, bonjour Moi, j'en Pacheco. témoigne, les rides, ça craint, hein. J'en ai eu. Tu en as eu et tu n'en as plus, qu'est-ce que tu as utilisé pour ne plus en avoir? C'est ça qu'on veut savoir. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup, Cricri, de m'avoir accompagnée et répondu. Merci beaucoup à toi pour ton écoute et ton dynamisme toujours. Merci. Et j'ai Merci, beaucoup c'est appris, donc gentil. c'était très intéressant. Ah bah, avec plaisir. En tout cas, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé ma belle invitée. Si vous voulez un soir vous-même être mon invité, faites-moi signe sur Instagram. Si vous avez une idée de thème aussi, pourquoi pas. Mon compte, c'est Beauté Imaginée, sans accent, avec le tiret du 8 entre les deux mots. On a Anne Cox qui intervient. Merci beaucoup, Anne Cox, d'avoir participé. C'était très très intéressant. Ah bah super. Et sans appuyer 15 secondes comme le proposait Juliette. Donc, merci Anne Cox. Et la semaine prochaine, sachez que je mettrai en ligne mon blog Beauté Imaginée avec toutes les émissions en replay. Donc, j'espère que ça vous intéressera. On a Anne Cox à nouveau. Merci Alice pour ça, c'était très intéressant. Très très. Ah mince. Anne Cox a rejoué son commentaire. Et Anne Cox va-t-elle le rejouer une troisième fois? Non, je plaisante. Juliette était jalouse parce qu'elle n'a pas gagné. C'est tout. Évidemment. Voilà, c'est ça. C'est une évidence. Et ben, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain live sur Stéréo de Beauté Imaginée. Revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci.